Aujourd'hui c'est le qu'il est, on marche ensemble dans la rue. Je raconte pas c'est l'enfer, on se montre presque dessus. Je suis sur mon trottoir, on se fout c'est du lavoir. Tu n'oses même pas lui répondre, car il n'a que tout défend. C'est le bonjour, c'est le bonjour, c'est le bonjour. Les voitures, les camions, les ordures. Les voitures, les camions, les ordures. C'est constant. Les voitures, les camions, les ordures. C'est constant. Les voitures, les camions, les ordures. C'est constant. Les voitures, les camions, les ordures. C'est constant. Les voitures, les camions, les ordures. C'est constant. Quand tu traverses la rue, de peur de faire rouler dessus. Je sais qu'on va eu, qui dure et qui peut t'appuyer. Quand y'a ça que découvert, je te raconte pas les odeurs. Des sacs en des fichures, des cartons pas de pourriture. C'est le bonjour, c'est le bonjour, c'est le bonjour. Les voitures, les camions, les ordures. C'est le bonjour. Les voitures, les camions, les ordures. C'est le bonjour. Les voitures, les camions, les ordures. C'est le bonjour. Les voitures, les camions, les ordures. C'est bon sang. Les voitures, les camions, les ordures. C'est bon sang. Les voitures, les camions, les ordures. C'est bon sang. Les voitures se rentrent dedans et toi tu couvres sa dent. Ça claque et ça s'engueule. Le feu fout des blagues dans la gueule. Pas gentil, moi quoi tout ça. Faudrait mieux réfléchir quoi. Y coller sur le canapé. Se coucher et puis baiser. C'est bon sang. C'est bon sang. C'est bon sang. Les voitures, les camions, les ordures. C'est bon sang. Les voitures, les camions, les ordures. C'est bon sang. Les voitures.